And now, back to that prune jam. This doesn't look like prune to me. Oh non, ce n'est pas prune en anglais. It's not. Non, en anglais c'est... Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, plum. Plum? I thought she said... Non, non, non. En français, une prune. En anglais, a plum. En anglais, a prune. En français, pruneau. Un pruneau. Un pruneau? C'est ça.